un rendez-vous conjoint pour féliciter le maréchal Kim Jong-un de sa promotion au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée a eu lieu le 1er juillet à Helsinki, Finlande. Y étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les photos sur leur exploit immortel et du maréchal Kim Jong-un. Y ont pris part les personnalités de l'Union communiste finlandaise, de l'Association Finlande-Corée et du Comité national finlandais d'études des îles du Juche et autres habitants. Les participants ont déposé les bouquets de fleurs devant les portraits en sourire des grands leaders avant de rendre hommage. Ils y ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, pour féliciter le maréchal Kim Jong-un de sa promotion au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, les meetings, rendez-vous, conférences et expositions de livres et de photos ont eu lieu du 3 au 5 courant au Mexique, au Bénin et au Nigeria.